L'instant groove, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui j'accueille Vince. Bonjour Vince, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Nathan, bonjour à tous, ça va super, ouais, toi? Ça va super bien, un peu chaud dans ce studio sans clim, mais tout va bien. Que nous as-tu préparé aujourd'hui, Vince? Bon, on va partir sur un petit set techno d'une heure, avec déjà des petits sons qui respirent le soleil. Je mixerai ensuite des sons que j'ai pu jouer au festival Boom les Bains, et on terminera par une petite compo personnelle que j'ai cuisinée ce week-end spécialement pour l'occasion. Alors, une petite exclue pour Radio Fagette et pour l'instant groove. Alors c'est parti, Vince. Vamos. chers compatriotes, je serai le président tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Mes chers compatriotes, tout. Mon cher Vince, quel plaisir, tu commences très très fort et effectivement ça sent grave le soleil avec toi. J'ai quelques petites questions à poser, je vais commencer par la première. Pourquoi et comment as-tu commencé à jouer à de la musique et depuis quand tu joues de la musique ? Eh ben c'est simple, mes potes et moi on a créé un sound system qui s'appelle Wantifia Sound System et ça s'est fait naturellement à force d'organiser des soirées. Mes potes ils ont commencé à me dire bah vas-y prépare-nous un petit set pour la prochaine et ça a commencé comme ça, ça fait un an. Ainsi de suite, eh ben, un an et tu nous régales déjà ici. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes influences musicales majeures ? Dans la techno, exclusivement, on va dire tout ce qui est Gravity, Scone, c'est beaucoup de techno avec de la mélodie. Mais où, quand il y a des basses, ça s'est envoyé, quoi. J'ai ouï dire que tu aimais beaucoup Scone. Est-ce qu'on va en avoir aujourd'hui ? Il y aura un peu de Scone aujourd'hui, ouais. Il va falloir être patient, c'est prévu pour la fin du set. Impeccable. Et une petite dernière avant de reprendre. Ton nom de scène est Vince. C'est pourquoi ça. Pourquoi ? J'adore cette question, je suis désolé. À chaque fois, je suis obligé de la poser. Bah, tu vas être déçu, Nathan. C'est tout simple. C'est juste que c'est mon surnom. Tout le monde m'appelle Vince. Mes potes m'appellent Vince. Ma mère m'appelle Vince. Donc, c'est naturellement que j'ai pris ce nom comme surnom de scène. Eh bah, ben, c'est super. Et mon cher Vince, du coup, on repart tout de suite pour ton set. C'est parti. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Vince de Montifier Sound System. Take a fall, take a shot for you. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec une exclue. Nous, aujourd'hui, j'accueille Vince des Wantifier Sound System, une association qui se trouve à Les Voivres dans les Vosges. Vince, comment te sens-tu aujourd'hui pour cette première radio? Bah, franchement, je me sens super bien, je suis à l'aise, je m'amuse tout simplement. Oui, oui, bah, tu m'amuses aussi énormément et j'espère que tu amuses les auditeurs qui sont sur la route partout et qui nous écoutent sur Radio Fadjet. J'ai plein de questions à te poser. Dont une, as-tu une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets, bonne ou mauvaise, on prend l'exclu, on prend tout? Eh ben écoute, autant en envoyer une bonne. J'en ai une qui est un peu marrante, c'est sur le festival Boom les Bains justement, sur lequel tu étais présent. Le samedi soir, je chantais sur du son dub avec Félix. C'était pas prévu et on est parti sur 3 heures de son non-stop et à un moment on n'en pouvait plus, on avait soif et tout. Et justement j'utilisais les transitions pour demander aux gens d'aller nous chercher des bières, pour leur demander de nous lancer des clubs. Il y a tout qui arrivait sur scène, ils nous lançaient ça, ils nous ramenaient les bières, c'était les vraiment trop cool. C'était incroyable, c'était très familial. C'est ça. Que penses-tu de la musique électronique et de son évolution? Bon, même si je pense que tu n'as pas connu beaucoup, beaucoup de musique électronique, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, je pense que c'est en train de se développer, c'est en plein essor, c'est de plus en plus accessible à tous et ça permet d'avoir une image peut-être plus positive qu'avant. Et si tu pouvais changer une chose de la musique électronique, qu'est-ce que ce serait? Eh bah, justement, peut-être que ça serait l'image que les gens ont. Okay. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'images négatives avec tout ce qui était rave party, etc. Donc aujourd'hui, le but, c'est de montrer que c'est accessible à tous et pour tout le monde. Et familial et only good vibes. C'est ça. Et on repart pour ton set. C'est parti. Vince, the Wantifier Sound System. The blood in my veins. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieil âge doit gronder tempêté au déclin du jour. Hurler, hurler à l'agonie de la lumière. Si le sage sentant la fin sait que les ténèbres sont justes, car ses maux n'ont point forgé de foudre, il n'entre pas docilement dans cette douce nuit. Hurle, hurle à l'agonie de la lumière. speaking for hours. During these ceremonies, their shamans perform what's known as a trance dance. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Vince et Wantifier Sound System. Vince, merci, mais quelle musique? Qui est-ce déjà? Eh ben ça c'est le Wansky. Incroyable son qui m'a fait voyager. Une petite question avant de reprendre, si ton rêve c'était de jouer avec un artiste, ce serait lequel? Waouh. Un artiste. Compliqué comme question. Je vais dire Gravity. Ok. Ouais, Gravity. Et le lieu qui te fait rêver où tu aimerais jouer un jour? Le lieu, un gros festival techno, 60 000 personnes sur le week-end avec Gravity, ce serait incroyable. Ok, ok. Allez, on repart pour ton set. Yes. Vamos. Vous êtes toujours sur l'instant groove avec Vince. J'ai encore plein de questions à te poser. Comment tu gères ton stress avant de mixer? Est-ce qu'il y a une petite technique? Ouais, et ben déjà de manière continue, je dirais que pour gérer mon stress, je m'entraîne à la maison beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça aide forcément le jour J à être plus confiant hein, quand c'est un sujet qu'on maîtrise. Et sinon, comment je gère mon stress pendant ou avant le mix? Une petite bière. Hein. Une petite bière, ça aide. De toute façon, je stresse beaucoup avant, moi, mais une fois que je lance le premier son, c'est parti. Hein. On rappellera que l'alcool est à consommer avec modération. Évidemment. Est-ce que je peux encore te poser une petite dernière question? Allez, vas-y. Alors, quel est pour toi le meilleur morceau que tu nous joues aujourd'hui? Question compliquée encore, Nathan. Je vais dire le dernier que je vais jouer, du coup le remix que j'ai concocté ce week-end. L'exclusivité. C'est ça, donc le son qui s'appelle Matoska, c'est pas le meilleur niveau technique, mais on va dire que c'est mon préféré parce qu'il y a une histoire personnelle derrière tout ça. Qu'il nous racontera après bien sûr. si tu veux. Allez, c'est reparti pour le set de DJ Vince. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes par et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Je te ramène devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là. Que tu te ramènes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer le bonheur, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Ils n'ont pas tenu leur merveilleuse promesse. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais s'ils font un esclave du peuple, alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Vince qui nous régale aujourd'hui. Il fait extrêmement chaud dans le studio, je sais pas vous, mais à force d'hocher la tête ou de danser, vous devez avoir chaud aussi. J'ai des dernières questions à te poser, mon cher Vince. Je suis un grand gourmand de la musique électronique, comme tu peux le savoir. Ouais. Et aussi en cuisine. Avec quoi ce set s'accorderait entre nourriture et boisson pour toi? Je dirais une petite bière un peu... avec des notes d'agrumes, citronnées, fraîches, voilà, qui rappellent un peu le soleil et la bonne humeur. Et en termes de nourriture, on peut partir sur des bonnes grosses grillades. Un bon barbecue. C'est ça. En plus, avec la chaleur qu'il fait, c'est normal. Quelle est ta prochaine soirée et où, Vince, si tu en as une? Ouais, et ben la prochaine soirée, ça sera la V9, soirée du coup de mon crew Wantifaya Sound System dans les Vosges, le 19. Ça se passera à Les Voives le 19 août. Impeccable, et on vous attend nombreux, chers auditeurs. Quel est ton plaisir coupable en musique? Eh ben tu vas rigoler, Nathan, mais mon plaisir coupable en musique, je dirais que c'est Vianney. Oh j'adore non, Vianney. Ouais, ouais, ouais. Oh la vache. J'aime bien sa manière d'écrire, sa manière d'interpréter ses textes, ça me touche. Chacun les goûts, les couleurs, c'est comme ça. C'est ça. Est-ce que tu nous feras un remix un jour avec Vianney? Oh bah pourquoi pas, ouais, super idée. Tiens. Et je prends 10%. Hein. Comment décris-tu tes fans, si tu en as et tout? Ouais. Pardon, oui. Comment tu décris des fans? Est-ce que tu as des fans? Est-ce que tu as un mot à leur passer surtout? Excuse-moi. Eh ben écoute, moi je dirais pas que j'ai des fans, sinon comment les décrire? Tout simplement comme des copains. Je me dis que les gens qui aiment ce que je fais, ceux qui m'encouragent, etc., eh ben c'est avant tout pour moi des potes. Hein. Qui te suivent depuis le début du coup? Bah qui me suivent depuis le début ou qui me suivent depuis la dernière soirée où ils m'ont rencontré, peu importe, tant qu'ils sont dans le délire, moi je prends du plaisir à leur partager tout ça. Et... C'est le moment un peu mignon, est-ce que t'as un petit mot à leur dire? Bah merci, merci, et puis je vais balancer des exclus sur SoundCloud bientôt, donc soyez là. Il faut être à l'affût, et où on te retrouve justement pour te suivre sur les réseaux sociaux? Et bah Instagram, Vince-du-bas hybride. Sinon, SoundCloud, il y a le lien justement sur mon Instagram. Et on le mettra aussi dans le podcast de Radio Fadjet. Mesdames et messieurs, vous êtes sur l'instant groove et c'est la fin du set de Vince. Un petit dernier mot, Vince? Ouais, le prochain son là que je vais jouer, c'est un remix que j'ai composé qui s'appelle Matoska. Donc un remix psy-trans avec des chants amérindiens. Ça me touche... beaucoup à cœur parce que c'est des racines qu'on a dans ma famille et moi je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Donc j'ai fait le choix sur ce remix là de laisser les chants purs, sans autotune, comme on peut souvent l'entendre dans les remix. Et kiffer quoi. Hein. C'est une pure exclu Radio Fadjet pour l'instant groove. Merci Vince d'être venu, merci encore à toi. Et c'est parti pour cet exclu. Merci à toi. Et merci à tous mes auditeurs.